La deuxième partie de cette assise donc concerne le second chapitre de ce qu'on pourrait donc appeler une série concernant le bon comportement et les nobles caractères, et qui concerne la réforme du cœur par la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La réforme du cœur par la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout en sachant que la crainte à la base, et avant toute chose, elle se trouve dans le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la crainte d'Allah est ici. Et il a montré son cœur. Et les œuvres suivent. Et les œuvres suivent. Comme dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Al-Nu'man ibn Bashir, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il disait, il y a dans le cœur, ou il y a dans le corps, un morceau de chair. Lorsqu'il est bon, c'est l'ensemble du corps qui est bon. Et lorsqu'il devient mauvais, c'est l'ensemble du corps qui devient mauvais. Et ce morceau de chair-là, c'est le cœur. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'ensemble des communautés. Il a dit dans son noble livre, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Nous avons ordonné à ceux à qui le livre a été donné avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre Allah. Et c'est la recommandation, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans de nombreux hadiths, notamment dans le hadith d'Al-Irbad ibn Sariyah, lorsqu'il a fait des recommandations à ses compagnons et qu'il a cité et annoncé l'arrivée de beaucoup de divergences, il a recommandé fortement, même ordonné, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la recommandation que se faisaient les pieux prédécesseurs de cette communauté, as-salaf as-salih. Ils se recommandaient mutuellement la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est venu dans de nombreux récits qui ont été rapportés d'eux, notamment d'Ibn Abbas. Lorsqu'une personne, comme cela a été rapporté par l'imam Ad-Darimi, lorsqu'une personne lui a demandé, il lui a dit, fais-moi une recommandation, il lui a dit, je te recommande la crainte d'Allah, la droiture et le suivi du hadith. Suis et n'innove pas. Suis et n'innove pas. Et nous retrouvons donc dans cette recommandation, qui n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, la recommandation que se faisaient les salafs entre eux de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les définitions qui ont été données de la crainte d'Allah, at-taqwa, il y a celle qui a été rapportée entre autres par Ibn Abi Shayba de Talq ibn Habib, qui faisait partie des ulama de la deuxième génération de l'islam, et à qui il a été demandé qu'est-ce que la taqwa, qu'est-ce que la crainte d'Allah. Et il a répondu, c'est que tu œuvres, c'est que tu obéisses à Allah en te basant sur une lumière venant d'Allah et en recherchant la récompense d'Allah. Et que tu t'éloignes de la désobéissance d'Allah en te basant sur une lumière venant d'Allah, en craignant par là le châtiment d'Allah. Et la lumière venant d'Allah, c'est la lumière de la science, c'est la lumière de la foi, la science basée sur le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Le sujet donc de cette assise, donc, c'est la réforme du cœur par la crainte constante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que tu vas réformer ton cœur. Ibn Hibban, donc, qui est l'auteur du livre sur lequel on va beaucoup se baser, et j'insiste bien, ce n'est pas une traduction du livre, mais on va beaucoup se baser sur ce livre-là, notamment dans les différents chapitres que nous allons aborder. Ibn Hibban, il a mentionné un hadith de Usama ibn Sharik, qu'il a également rapporté dans son recueil authentique. Et c'est un hadith qui est hassan, qui est fiable, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce que tu n'aimerais pas que les gens te voient faire, alors ne le fais pas quand tu te retrouves tout seul. Ce que tu n'aimerais pas que les gens te voient faire, alors ne le fais pas lorsque tu te retrouves tout seul. Tu trouves donc que le croyant qui cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit se caractériser par cette chose-là. La chose qu'il n'aimerait pas que les gens le voient faire, on parle bien sûr ici de quoi ? Naam ? Péché, naam. Ne le fais pas lorsque tu te retrouves tout seul. À l'inverse de ceux qui cherchent à se cacher des gens alors qu'ils oublient de se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Ils cherchent à se cacher des gens alors qu'ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Lorsqu'ils prononcent de nuit ce qu'Allah n'agrée pas, d'ailleurs ils se cachent, comme le dit dans sourate An-Nisa, ces gens-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmés, ils cherchent à se cacher des gens et ils en oublient de se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils se retrouvent isolés, ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et ils n'ont pas honte de cela alors qu'ils cherchent à se cacher des gens. Ce que tu n'aimerais pas que les gens te voient faire, ne le fais pas lorsque tu te retrouves tout seul. Et le Cheikh Abd al-Razzaq, en commentaire de ce hadith, de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé cette parole car il connaissait la faiblesse ou les faiblesses de l'âme et qu'il était au courant du fait que l'âme, elle a tendance à se relâcher lorsqu'elle se retrouve toute seule. Ce que tu n'aimerais pas que les gens te voient faire, ne le fais pas lorsque tu te retrouves tout seul. Et le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement tout ce qu'il y a dans sa création, et qu'il sait parfaitement ce que font ses serviteurs, ses créatures. C'est un remède efficace pour le cœur. C'est un remède efficace pour le cœur. Quand tu sais et que tu te rappelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement tout ce que tu fais. Et il sait parfaitement même ce que tu caches. Tu dois avoir peur de lui et du fait de lui désobéir. Et du fait de lui désobéir. Comme il a été dit, إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبُ. Si tu te retrouves isolé un instant, ne dis pas je suis seul, mais dis-toi plutôt qu'il y a au-dessus de toi quelqu'un qui te voit. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. Si tu te retrouves isolé un instant, ne dis pas je suis seul, mais dis-toi plutôt qu'il y a au-dessus de toi quelqu'un qui te voit. Et tout ça, ça nous incite à quoi? À surveiller les états de nos cœurs. En période de motivation et en période de relâchement. En période de motivation et en période de relâchement. Ibn Hibban rapportait de Ibn Omar qu'Allah l'agrée ainsi que son père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute œuvre, tout acte bénéficie d'une période de motivation à laquelle succède toujours une période de relâchement. Celui donc dans la période de relâchement sera sur ma sunna, sera bien guidé. Et celui qui suivra autre qu'elle périra. Toute œuvre bénéficie d'une période de motivation à laquelle succède toujours une période de relâchement. Celui donc dans la période de motivation sera sur ma sunna, sera bien guidé, et celui qui suivra autre qu'elle périra. Donc il faut que tu saches cette chose-là et que tu l'aies à l'esprit, que forcément tu vas passer par des moments où tu es motivé, où tu vas trouver que ton cœur va de l'avant et cherche à aller de l'avant dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Et que dans d'autres moments, il subit un certain relâchement et une baisse de motivation. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu sois le plus attentif pour rester cramponné à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans ce sens-là que Ibn al-Mubarak disait que les cœurs ont des moments de motivation et d'autres où ils se relâchent et ils se rétractent. Profitez donc des moments de motivation et laissez-les, c'est-à-dire les cœurs, et laissez-les quand ils se relâchent. Alors quand il dit laissez-les, ça ne veut bien sûr pas dire que tu dois délaisser l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu, ce qu'il t'est obligatoire de faire. Mais ça signifie plutôt qu'à ce moment-là, tu vas être moins exigeant et que tu vas te contenter donc de ce qui t'est obligatoire de faire, na'am, et de délaisser ce qui t'est strictement interdit, na'am, et de ce et des actes dans lesquels tu vas trouver de la facilité. Et tu vas essayer de préserver cette chose-là. Et tu vas essayer de préserver cette chose-là et de rester donc sur ce minimum-là, en période de relâchement et lorsque tu vois que ton cœur se rétracte. Et le Cheikh Abdel Razak de rajouter que tu ne dois pas te limiter à ça, que tu dois également chercher la cause de ce relâchement. Car si ton cœur se rétracte et se relâche, et qu'il est moins avide d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et moins motivé, sache qu'il y a une cause. Et que tu dois chercher cette cause-là. Et qu'à partir du moment que tu auras trouvé la cause, que tu devras prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette baisse de motivation et pour régler ce problème-là. Par exemple, tu vas te rendre compte et tu vas dire un tel, à partir du moment où j'ai commencé à le côtoyer, j'ai arrêté, j'ai été moins assidu à mes prières surérogatoires. Un tel, depuis que je le côtoie, je me rends compte que j'ai plus tendance à médire sur les gens. Un tel, lorsque je le côtoie, je me rends compte que je lis moins, que je n'écoute plus les cours des ulama. Un tel, j'ai remarqué que depuis que je marche avec lui, je fais tel et tel acte de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. À partir de ce moment-là, à partir du moment où tu auras défini la cause du problème, à partir de ce moment-là, il faudra que tu prennes les dispositions nécessaires. Et en période de relâchement, il faut que tu sois très vigilant, comme on vient de le dire. Et que tu aies à l'esprit, ou que tu te rappelles, le sort de ceux qui ont régressé ou ont carrément délaissé la droiture, le chemin de la droiture, car ils se sont laissés aller en période de relâchement. Et qui n'ont pas cherché à se réformer. Et le bienheureux, c'est celui qui se sera exhorté par le sort qu'il sera advenu aux autres. Tandis que le malheureux, c'est celui qui aura été une source d'exhortation pour les autres. En finissant mal et en s'écartant du droit chemin, qu'Allah nous en préserve. Donc si tu cherches la félicité, si tu cherches le bonheur, si tu cherches l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, fais en sorte que les erreurs des autres te soient bénéfiques pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs qu'eux. Et combien de gens ont délaissé la droiture du fait qu'ils se sont laissés aller durant ces périodes de relâchement, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Également, il est important dans le sujet que nous abordons d'être rempli de crainte. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui comprend également le fait de craindre que nos œuvres ne soient pas acceptées. Ibn Hibban a mentionné la parole d'Al-Hassan al-Basri, qui faisait également partie des grands savants de la deuxième génération de l'islam, et qui était parmi ceux qui avaient réuni entre la science et l'ascétisme. Une personne un jour est venue le voir et lui a dit: « Comment vas-tu ? Oh Abu Saïd, donc c'était sa kunya, comment vas-tu? Et il a répondu, et comment pourrait aller quelqu'un qui atteint le matin et qui arrive au soir et qui attend la mort et qui ne sait pas ce qui va advenir de lui? Il a répondu, et comment pourrait aller quelqu'un qui atteint le matin et qui arrive au soir et qui attend la mort et qui ne sait pas ce qu'il va advenir de lui. Et il était également celui qui disait, il disait le croyant, il a réuni la bonne action et la crainte que sa bonne action ne soit pas acceptée. Tandis que l'hypocrite, il a réuni les mauvaises actions et le fait de se sentir en sûreté et à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait mention, et une mention élogieuse, des croyants qui, justement dans la sourate, les croyants, al-mu'minun, des croyants qui cherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui malgré tout craignent de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Ceux qui donnent ce qu'ils donnent, نعم, ceux qui donnent ce qu'ils donnent, alors que leurs cœurs sont emplis de crainte à l'idée que c'est vers leur Seigneur qu'ils vont retourner. À l'idée que c'est vers leur Seigneur qu'ils vont retourner. Et c'est là donc une des caractéristiques des croyants. Le fait qu'ils cherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils fournissent des efforts dans cela, et qu'à côté de ça, ils craignent que ça ne soit pas accepté d'eux. Comme le disait le Hassan al-Basri, et comment pourrait aller quelqu'un qui atteint le matin et qui arrive au soir et qui attend la mort? Et qui ne sait pas ce qu'il va advenir, ce qu'il va advenir de lui. Tout cela nous incite donc à chercher à réformer l'intérieur, à réformer nos cœurs, à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, à craindre son châtiment, à craindre que le peu d'action que nous faisons pour lui ne soit pas accepté de sa part, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite à accomplir ce qu'il aime et agrée. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous unisse sur la vérité et qu'il assiste nos frères en tout lieu, en Birmanie, en Égypte, en Syrie ou ailleurs. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.